La voir, lui parler, l'habiller le matin, la déshabiller le soir, épingle à épingle. Ah, Susan, je te donnerai. Mais qu'est-ce que tu tiens donc là? Là, c'est le rubanet et le fortuné ruban qui renferme la nuit les cheveux de cette belle marraine. Le ruban, lui, donne-le-moi mon cœur. Et que non pas son cœur comme il est familier, donc, si c'était pas un petit morveux sans conséquence. Ah, le ruban, tu diras qu'il est égaré, égaré, qu'il est perdu, tu diras tout ce que tu voudras. Oui, dans 3 ou 4 ans, je prédis que vous serez le plus grand petit vaurien. Rendez-vous le ruban. Laisse-le-moi, Susan, je te donnerai ma romance. Et vous croyez parler à votre Fanchette? On vous surprend chez elle et vous soupirez pour madame et vous m'en comptez à moi par-dessus le marché. Ah, cela est vrai d'honneur. Je ne sais plus ce que je suis, mais depuis quelque temps, je sens ma poitrine agitée. Mon cœur palpite au seul aspect d'une femme. Les mots amour et volupté le font tressaillir et le troublent. Enfin, le besoin de dire à quelqu'un « je vous aime » est devenu pour moi si pressant que je le dis tout seul en courant dans le parc, ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages, au vent qui les emporte avec mes paroles perdues. Hier, j'ai rencontré Marceline. Pourquoi non? Elle est femme, elle est fille. Une fille, une femme. Oh, que ces noms sont doux, qu'ils sont intéressants. Elle devient fou. Fanchette est douce, elle m'écoute, au moins tu ne l'es pas. C'est bien dommage, écoutez donc, monsieur. Ah oui, on aura battu qu'avec ma vie. Mais si tu n'es pas contente du prix, j'y joindrai 1000 baisers. Ah, mais soufflez, si vous m'approchez, je vais m'en plaindre à ma maîtresse. Et loin de soupirer pour vous, je dirai moi-même à monseigneur. C'est bien fait, monseigneur. Chantez-nous ce petit voleur, renvoyez à ses parents un petit mauvais sujet qui se donne des airs d'aimer madame et qui voudrait toujours m'embrasser par contre vous. J'ai perdu. Tu es émue, Susan? Parler seul. Et ton petit cœur paraît dans une agitation bien pardonnable, reste un jour comme celui-ci. Monseigneur, que me voulez-vous si l'on vous trouvait avec moi? Je serais désolé qu'on m'y surprit, mais tu sais tout l'intérêt que je pense à toi. Basile de Tapalissi ignorait mon amour. Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues. Écoute. Je n'écoute rien. Un seul mot. Tu sais que le roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi Figaro. Je lui donne un excellent poste. Et comme le devoir d'une femme est de suivre son mari. Mais si j'osais parler. Mais parle, parle, ma chère. Use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi, sur la vie. Je n'en veux plus, monseigneur, je n'en veux plus. Quittez-moi, je vous prie. Mais dis auparavant. Je ne sais plus ce que je disais. Sur le devoir des femmes. Ah, Suzette. Ce droit charmant. Si tu venais en jaser sur la brune au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur. Monseigneur n'est pas chez lui. C'est Basile. Je suis malheureuse. Sors, pour qu'on n'entre pas. Je vous laisse ici. Et pas un lieu pour se cacher. Ah, derrière ce fauteuil. Mais renvoie-le bien vite. N'auriez-vous pas vu mon seigneur, mademoiselle? Et pourquoi l'aurais-je vu? Laissez-moi! Si vous étiez plus raisonnable, il n'y aurait rien d'étonnant. Ma question, c'est Figaro qu'il cherche. Il cherche donc l'homme qui lui veut le plus de mal après vous. Ah, la mauvaise. Dieu vous apaise, il n'en sera que ce que vous voudrez. Mais ne croyez pas non plus que je regarde Monsieur Figaro comme l'obstacle qui nuit à mon seigneur. Et sans le petit page. Don Chérubin? Qui est le bilo d'Amore et qui tourne autour de vous sans cesse et qui se m'attend encore au de d'ici. Quand je vous ai quitté, dites que cela n'est pas vrai. Quelle imposture! Allez-vous-en, méchant homme! On est un méchant homme parce qu'on y voit clair. N'est-ce pas aussi pour vous cette romance dont il fait mystère? Oh oui, pour moi! À moins qu'il ne l'ait composé pour madame. En effet, quand il s'y rattable, on dit qu'il la regarde avec des yeux. Mais peste qu'il ne s'y joue pas, monseigneur est brutal sur l'article. Et vous, bien scélérat, d'aller semant de pareils bruits pour perdre un malheureux enfant tombé dans la disgrâce de son maître. Mais j'ai inventé, je le dis parce que tout le monde en parle. Comment tout le monde en parle? Oh! Courez, Basile, et qu'on le chasse! Je suis fâché d'être entré. Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh, elle est saisie. Asseyons-la dans ce fauteuil. Je ne peux pas m'asseoir. Entrer ainsi librement, c'est indigne. Nous sommes deux avec toi, ma chère, il n'y a plus le moindre danger. Moi, je suis désolé de m'être égayé sur le page, puisque vous l'entendiez. Je n'en usais ainsi que pour pénétrer ses sentiments, car au fond... 50 pistoles, un cheval et qu'on le renvoie à ses parents. Monseigneur, pour un badinage... Un petit libertin que j'ai surpris encore hier avec la fille du jardinier. Avec Fanchette. Et dans sa chambre. Monseigneur avait sans doute affaire aussi. J'en ai assez d'armes. Elle est d'un bon augure. Mais non. Je vais chercher ton oncle Antonio, mon ivrogne de jardinier, pour lui donner des ordres. Je frappe, on est longtemps à m'ouvrir, ta cousine a l'air empêtrée, je lui parle, et tout en causant, j'examine. Il y avait derrière la porte une espèce de rideau, de porte-manteau, de je ne sais pas quoi, qui couvrait des hardes. Sans faire semblant de rien, je vais doucement, doucement, lever ce rideau, et je vois... Oh! À merveille, mademoiselle. À peine fiancée, vous faites de ces apprêts.

Maintenant que cette chambre est close, acceptez mon bras, je vous prie. Et quant à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle ait la bonté de m'attendre. En vérité, monsieur, voilà bien la plus odieuse aventure. Ouvrez, chérubin, ouvrez vite, c'est Suzanne. Ouvrez, sortez. Oh, dis donc, quel horrible sexe. Sortez, vous n'avez pas une minute. Il va vous sortir. On sait rien, mais sortez. Il n'y a pas d'issue. Après la rencontre de tantôt, il vous écraserait, nous serions perdus. Courez compter à Figaro. Peut-être du jardin n'est peut-être pas bien. Oh, grand état impossible. Et mon mariage au ciel. Est-elle sur la melonnière qui t'a gâté une couche ou deux? Je vais tuer. Ça coupe pas lui, Suzanne. Oui, je m'y jetterai plutôt que de lui nuire. Et ce baiser va me porter bonheur. Il est déjà bien loin. Oh, le petit garnement aussi leste que joli. Si celui-là manque de femme, prenons sa place au plus tôt. Vous pouvez à présent, monsieur le comte, rompre la cloison si ça vous amuse. Au diantre qui répond à un mot. Madame, en m'exposant à briser cette porte, réfléchissez aux suites. Encore une fois, voulez-vous l'ouvrir? Et monsieur, la seule vanité peut-elle jeter dans cet excès un galant homme? Oh, amour aux vanités, vous ouvrirez cette porte ou je vais à l'instant. Arrêtez, monsieur, je vous prie. Me croyez-vous capable de manquer à ce que oh, je me dois? Tout ce qu'il vous plaira, mais je verrai qui est dans ce cabinet. Eh bien, monsieur, vous le verrez. Écoutez-moi tranquillement. Ce n'est donc ma Suzanne? Au moins, n'est-ce pas non plus une personne dont vous deviez rien redouter? Nous disposions d'une plaisanterie bien innocente en vérité pour ce soir, et je vous jure... Et vous me jurez? Que nous n'avions pas plus de dessein de vous offenser l'enclos. L'enclos, c'est un homme. Un enfant, monsieur. Et qui donc? Ce jeune chérubin. Chérubin, je le tuerai. Monsieur le comte, épargnez un enfant, je vous prie, je ne me consolerai pas d'avoir causé. Levez-vous, ôtez-vous. Eh bien, je me lèverai, je m'entrerai, je vous remettrai même la clé du cabinet, mais au nom de votre amour, promettez-moi de laisser aller cet enfant sans lui faire aucun mal. Je n'écoute plus rien. Oh! C'est Suzanne. Je le tuerai, je le tuerai. Tu es le don, ces méchants pages. Oh, quelle école. Et vous aussi, vous jouez l'étonnement? Oh, mais peut-être elle n'y est pas seule. Remettez-vous, madame, il est bien loin, il a fait un saut. Oh, Suzanne, je suis morte. Il n'y a personne. Madame, vous jouez fort bien la comédie. Et moi, monseigneur? Quoi, madame? Vous plaisantiez? Et pourquoi non, monsieur? Oh, quel affreux badinage! Et par quel motif, je vous prie? Vos folies méritent-elles de la pitié? Nommez folie ce qui touche à l'honneur. Non, monsieur. Un pareil outrage ne se couvre point. Je me retirerai aux Ursulines. Et je sens trop qu'il en est temps. Par pitié. Vous n'en aviez aucune pour moi. Mais aussi ce billet, il m'a tourné le sang. Et je n'avais pas consenti qu'on l'écrivît. Vous le saviez? Ça s'est étourdi de Figaro. Il en était? Il a remis à Basile. Qui m'a dit de tenir d'un paysan? Oh, perfide chanteur, l'âme à deux tranchants. C'est toi qui paieras pour tout le monde. Ah, si je consentais à pardonner, j'exigerais que l'amnistie fût générale. Elle vient de tout mon cœur, comtesse. Mais comment réparer une faute si humiliante? Elle l'était pour tous deux. Ah, oh, dites pour moi seule. Je suis encore à concevoir comment les femmes prennent si vite et si juste l'air et le ton des circonstances. Vous pleuriez, vous rougissiez, votre visage était défait. D'honneur, il l'est encore. Vous me faites rire et j'en ai peu d'envie. Mais vous répéterez que vous me pardonnez. Est-ce que je l'ai dit, Suzanne? Je ne l'ai pas entendu, madame. Eh bien que ce mot vous échappe. Le méritez-vous donc, ingrat? Oui, par mon repentir. Oh. Suzanne, que je suis faible, quel exemple je te donne. On ne croira plus à la colère des femmes. Bon, madame, avec eux, ne faut-il pas toujours en venir là? On disait madame accommodée, je suis vite accourue. Je vois avec joie qu'il n'en est rien. Vous êtes fort attentif. Et c'est mon devoir. Mais permettez, monseigneur, que je mène ma fiancée. Mais qui surveillera la comtesse au château? La veillée? Elle n'est pas malade. Non, mais cet homme absent qui doit l'entretenir. Quel homme absent? L'homme du billet que vous avez remis à Basile. Qui dit cela? Et quand je ne le saurais pas d'ailleurs, fripon, ta physionomie qui t'accuse me prouverait déjà que tu mens. S'il est ainsi, ce n'est pas moi qui mens, c'est ma physionomie. Il n'y a plus rien à cacher, Figaro, le badinage est consommé. Le badinage est consommé? Ben oui, consommé. Que dis-tu là-dessus? Moi, je dis que je voudrais bien qu'on en pût dire autant de mon mariage, et si vous l'ordonnez... Tu conviens donc enfin du billet? Puisque madame le veut, que Suzanne le veut, que vous le voulez de même, il faut bien que je le veuille aussi.

Tu viens de gagner ton procès? Je te tenais là dans un bon piège. Oh, mes chers insolents, je vous punirai de façon un bon arrêt, bien juste. Monsieur, écoutez mon affaire. Eh bien, parlons-en verbalement. C'est une promesse de mariage. Accompagnée d'un prêt d'argent. J'entends, etc. Le reste... Non, monsieur, pour l'etc. Mais j'entends, vous avez la somme? Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêté. Mais j'entends bien. Vous redemandez l'argent. Non, monsieur, je demande qu'il m'épouse. J'entends fort bien. Mais lui, veut-il vous épouser? Non, monsieur, voilà tout le procès. Et croyez-vous que je ne l'entende pas, le procès? Non, monsieur, où sommes-nous? Quoi, c'est vous qui nous jugerez? Est-ce que j'ai acheté ma charge pour autre chose? C'est un grand abus que les vendre. Oui, on ferait mieux de nous les donner pour rien. Contre qui plaidez-vous? Monsieur, contre ce malhonnête homme. Je vous gêne, peut-être. Monseigneur revient dans l'instant, monsieur le conseiller. J'ai vu ce garçon-là quelque part. Chez madame votre femme, à Séville, pour la servir, monsieur le conseiller. Dans quel temps? Un peu moins d'un an avant la naissance de monsieur votre fils, le cadet, qui est un bien joli enfant, je m'en vante. Oui, c'est le plus joli de tous. Oh. On dit que tu fais ici des tiennes. Monsieur est bien bon, ce n'est là qu'une misère. Une promesse de mariage. Oh, le pauvre Benet. Monsieur. A-t-il vu mon secrétaire, ce bon garçon? N'est-ce pas double main, le greffier? Oui, c'est qu'il mange à deux râteliers. Manger? Oh, je suis garant qu'il dévore. Oh, que oui, je l'ai vu. Pour l'extrait, pour le supplément d'extrait, comme cela se pratique au reste. On doit remplir les formes? Assurément, monsieur. Si le fond des procès appartient aux plaideurs, on sait bien que la forme est le patrimoine des tribunaux. Ce garçon-là n'est pas si vieux que je l'avais cru d'abord. Eh bien, l'ami, puisque tu en sais tant, nous aurons soin de ton affaire. Monsieur, je m'en rapporte à votre équité, quoi que vous soyez de notre justice. Hein? Oui, je suis de la justice. Mais si tu dois, et que tu ne paies pas... Alors, monsieur, vois bien que c'est comme si je ne devais pas. Sans doute. Mais qu'est-ce donc qu'il dit? Monseigneur, messieurs. En robe ici, seigneur Bridoison? Non, ce n'est qu'une affaire domestique. L'habit de ville était trop bon. C'est vous qui l'êtes, monsieur le comte, mais je ne vais jamais sans elle, parce que la forme, voyez-vous, la forme, telle rit d'un juge en habit court qui y tremble au seul aspect d'un procureur en robe. La forme, la... À forme, le... Faites entrer l'audience. Main, appelez les causes. Noble, très noble, infiniment noble, Don Pedro Georges Hidalgo, baron de Los Altos, Simontes Fierro, Ciotros Montes, contre Alonso Calderón, jeune auteur dramatique. Il est question d'une comédie mornée que chacun désavoue et rejette sur l'autre. Ils ont raison tous deux, hors de cour. S'ils font ensemble un autre ouvrage, pour qu'il marque un peu dans le grand monde, ordonnez que le noble y mettra son nom, le poète son talent. Silence, messieurs! Silence, messieurs! André Petruccio, laboureur. Contre le receveur de la province. Il s'agit d'un forcement arbitraire. L'affaire n'est pas de mon ressort. Je servirai mieux mes vassaux en les protégeant auprès du roi. Passez. Silence, messieurs! Silence! Barbe Hagar, Arabe, Madeleine, Nicole, Marceline de Vertalure, fille majeure. Contre Figaro, nom de baptême en blanc. Anonyme. Anonyme? Quel patron est-ce là? C'est le mien. Contre anonyme Figaro. Qualité? Gentilhomme. Vous êtes gentilhomme? Si le ciel l'eût voulu, je serais le fils d'un prince. Oh. Pour cause d'opposition faite au mariage du dit Figaro par la dite de Vertalure, le docteur Barthelot plaidant pour la demanderesse et le dit Figaro pour lui-même, si la cour le permet, contre le vœu de l'usage et la jurisprudence du siège. Que peut requérir la demanderesse? Mariage à défaut de paiement. Que nous répond le défendeur? Qu'il veut garder sa personne. À lui permis. J'ai gagné! Mais, comme le texte dit, laquelle somme je paierai à la première réquisition, ou bien j'épouserai, etc., la cour condamne le défendeur à payer 2000 piastres fortes à la demanderesse, ou bien à l'épouser dans le jour. J'ai perdu. Superbe arrêt! En quoi superbe? Parce que tu n'es plus mon neveu. Grand merci, monseigneur. Je m'en vais tout compter à ma nièce. Oui, oui. Ah, oh, je respire. Et moi, j'étouffe. Monseigneur, vous nous quittez? Tout est jugé. C'est ce gros enflé de conseiller. Moi, gros aux enflés? Sans doute, et je ne l'épouserai pas. Je suis gentilhomme, une fois. Vous l'épouserez? Sans l'aveu de mes nobles parents. Nommez-les. Montrez-les. Qu'on me donne un peu de temps. Je suis bien prêt de les revoir. Voilà 15 ans que je les cherche. Le fat, c'est quelqu'un enfant trouvé. Ah, enfant perdu, docteur. Ou plutôt enfant volé. Volé, perdu, la preuve. Il crierait qu'on lui fait injure. Monseigneur, quand les langes à dentelle, tapis brodés et joyaux d'or, trouvés sur moi par les brigands, n'indiqueraient pas ma haute naissance, la précaution qu'on avait prise de me faire des marques distinctives témoignerait assez combien j'étais un fils précieux. Et cet hiéroglyphe à mon bras. Une spatule à ton bras droit? D'où savez-vous que je dois l'avoir? Tu sais lui? Oui, c'est moi. Qui, lui? C'est Emmanuel. Tu fus enlevé par des bohémiens? Tout près d'un château. Bon docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service. Des monceaux d'or n'arrêteront pas mes illustres parents. Voilà ta mère. Nourrice? Ta propre mère. Expliquez-vous. Voilà ton père. Ah. Oh. Aïe de moi. Est-ce que la nature ne te l'a pas dit 1000 fois? Jamais. C'est clair, il ne l'épousera pas. Et la noblesse, et le château, vous imposiez à la justice. Elle allait me faire faire une belle sottise, la justice. Mon père, agréez mes excuses. Et vous, ma mère, embrassez-moi. Le plus maternellement que vous pourrez. Monseigneur, arrêtez! Qu'on ne les marie pas! Je viens payer madame avec la dot que ma maîtresse me donne. Oh oui, payez, tiens, tiens! J'en vois assez. Sortons, mon oncle. Non pas, s'il vous plaît. Que vois-tu donc? Ta bêtise et ta lâcheté. Pas plus de l'une que de l'autre. Et que tu l'épouses, puisque tu la caresses. Je la caresse, mais je ne l'épouse pas. Vous êtes bien insolent, vous allez me retenir. Ah, ah, c'est-il ça de l'amour? Avant de nous quitter, je t'en supplie, envisage bien cette chère femme-là. Je la regarde. Et tu la trouves? Affreuse. Et vive la jalousie, elle ne vous marchande pas. Le méchant qui te tourmente est mon fils. Vous? Sa mère? Mon cœur entraîné vers lui ne se trompait que le motif. C'était le sang qui me parlait. Et moi, le bon sens, ma mère qui me servait d'instinct quand je vous refusais. Oh, mon ami. Cher ami. Oh, pas tant de cajoleries, s'il vous plaît. En fait, mariage dans les familles, suit des parents. Va devant, savez, les vôtres se baillent-ils la main? Ma main? Puisse-t-elle se dessécher et tomber, si je la donne jamais à la mère d'un tel drôle. Vous n'êtes donc qu'un père maracle. En ce cas, notre galant, plus de paroles. Oh, non, je jurais-je donner l'enfant de notre sœur ainsi qu'est l'enfant de personne? Est-ce que cela se peut, imbécile? Oh, oh, on est toujours l'enfant de quelqu'un. Tara, il ne l'aura jamais. Et cherche à présent qui t'adopte. Hey, docteur, ne sortez pas. Petit papa, c'est votre fils. Ils ont autant soin de vous, papa. Nous vous aimerons autant, petit papa. Papa, bon papa, petit papa. Ah, voilà que je suis plus bête encore que monsieur, moi. Je me laisse aller comme un enfant. Oh ah non, je n'ai pas dit oui, papa. Je n'ai papa, pas dit oui. Non, je n'ai pas dit oui. Non, non, non, non, je n'ai pas dit oui. Je... Il a dit oui! Il a

Mais qu'est-ce qu'une telle vengeance, qu'un peu d'amour ne saisonne pas? Partout où vous n'en voyez point, croyez que le respect dissimule. Je ne sais si vous le pensez de bonne foi, mais vous ne le dites pas de bonne grâce. Oh, madame, je vous adore. Examinez le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit supplée en vous aux grâces qui manquent à ma prière. Mais monsieur, avez-vous songé? Oui, madame, oui, j'ai songé. Que pour la colère et l'amour... Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame. La voilà! Oh, démonio, quel soufflet! Quel soufflet? C'est celui-là! Ah, Kezako, te parle diable! Est-ce ici la journée d'étape? Ah, Kezako! Suzanne! Et voilà pour tes soupçons, voilà pour tes vengeances, pour tes trahisons, tes expédients, tes injures, tes projets! C'est si simple l'amour, dis donc, comme ce matin! Oh, Santa Barbara, oui, c'est de l'amour! Oh, bonheur, oh, délice, oh, 100 fois heureux Figaro! Frappe, ma bien-aimée, sans te lasser! Mais quand tu m'auras dit après le corps de meurtrissure, regarde avec bonté, Suzanne! L'homme le plus fortuné qui fut jamais battu par une femme. Le plus fortuné, bon fripon, vous n'en séduisiez pas moi la comtesse avec un si trompeur d'habile, comme oubliant moi-même, en vérité, c'était pour elle que je cédais. Et je puis me méprendre au son de ta jolie voix. Tu m'as reconnu? Oh, comme je m'en vengeais! Eh bien, rossé et gardé rancune est aussi par trop féminin. Mais dis-moi donc par quel bonheur je te vois là, quand je te croyais avec lui. Et comment cet habit qui m'abusait te montre enfin innocente? Et c'est toi qui es un innocent de venir te prendre au piège, après t'es pour un autre. Est-ce notre faute à nous? Si voulant museler un renard, nous en attrapons deux. Qui donc prend l'autre? Sa femme. Sa femme? Sa femme. Oh, Figaro, pends-toi, tu n'as pas deviné celui-là. Sa femme. Oh, 12 ou 15 000 fois spirituelle femelle. Mm-hmm. Ainsi, c'est aisé. Vous étiez donné à madame. Et celui du page? À monsieur. Et tantôt, derrière le fauteuil? À personne. En êtes-vous bien sûr? Il pleut des soufflets, Figaro. Ce sont des bijoux, Clétien. Allons, superbe. Humilie-toi. Cela est juste. À genoux, bien courbé, prosterné, ventre à terre. Ce pauvre comte, quelle peine il s'est donné. Pour faire la conquête de sa femme. C'est lui. Suzanne. Suzanne. Suzanne, es-tu là-dedans? Un homme au pied de la comtesse? Il ne m'a pas reconnu. Achevons-le, veux-tu? Pardon, madame, si je n'ai pas réfléchi que ce rendez-vous ordinaire était destiné pour la noce. C'est l'homme du cabinet de ce matin. Pressons-nous donc, madame, et réparons le tort qu'on nous a fait tantôt, quand j'ai sauté par la fenêtre. Ah, tout se découvre enfin. Avant d'entrer, voyez si personne n'a suivi. Accélérat, c'est toi. Voilà. Oh, c'est mon maître. Quelqu'un! Quelqu'un! Monseigneur, je vous trouve enfin. Bon, c'est Pedrini. Es-tu tout seul? Arrive de Séville et tripe cheval. Approche de moi et crie bien fort. Pas plus de pages que sur ma main, voilà le paquet. Monseigneur me dit de crier. Mais pour rappeler. Voilà, quelqu'un, quelqu'un. Si l'on m'entend, accourez tous. Figaro et moi, nous voilà deux. Que peut-il donc vous arriver? Oh, l'animal! Et vous tous, mes vassaux, entourez-moi cet homme et m'en répondez sur la vie. Mon cavalier, répondrez-vous à mes questions. Et qui pourrait m'en exempter, monseigneur? Vous commandez à tout ici, hors à vous-même. Hors à moi-même? Non, si quelque chose pouvait augmenter ma fureur, ce serait l'air calme qui l'affecte. Sommes-nous des soldats qui tuent et se font tuer pour des intérêts qu'ils ignorent? Je veux savoir, moi, pourquoi je me fâche. Homme de bien qui feignait d'ignorer, nous ferez-vous la faveur de nous dire quelle est la dame actuellement par vous amenée dans ce pavillon? Dans celui-là? Non, dans celui-ci. Ah, c'est différent. Une jeune personne qui m'honore de ses bontés particulières. Et cette jeune personne a-t-elle un autre engagement que vous sachiez? Je sais qu'un grand seigneur s'en est occupé quelque temps, mais soit qu'il l'ait négligé, ou que je lui plaise mieux qu'un autre, plus aimable, elle me donne aujourd'hui la préférence. La préférence? Au moins il est naïf. Car ce qu'il avoue, messieurs, je l'ai ouï, je vous jure, de la bouche même de sa complice. Or, quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi. Qui y donc a pris la femme de l'autre? Oh, aucun a eu cette joie-là. Tous vos efforts sont inutiles. Vous êtes perdue, madame, et votre heure est bien arrivée. Quel bonheur qu'aucun gage d'une union aussi détestée. Chérubin! Chérubin! Mon page est toujours le page endiablé. Que faisiez-vous dans ce pavillon? Je me cachais comme vous l'avez ordonné. Entre-y, toi, Antonio. Conduit devant son juge, l'infâme qui m'a déshonoré. Il n'y a pas bien une bonne providence. Vous en avez tant fait, vous, dans le pays. Entre donc. Vous allez voir, messieurs, que le page n'y était pas seul. Ça aurait été trop cruel si quelqu'un de sensible n'en eût adouci l'amertume. Allons, madame, faut pas vous faire prier pour en sortir, puisqu'on sait que vous y êtes entrée. La petite cousine. Fondée. Pas le sang bleu, monseigneur. Il est gaillard de me choisir pour montrer à la compagnie que c'est ma fille qui cause tout ce train-là. Qui la savait là-dedans? Permettez, monsieur le comte. Tout ceci n'est pas plus clair. Je suis de sang-froid, moi. Venez, madame, ne craignez rien, il ne vous sera fait aucun mal. Je vous en réponds. Marceline. Marceline, ma mère en est. Et que m'importe à moi, la comtesse. Ah, la voici qui sort. Que croyez-vous, messieurs, que mérite une odieuse? Non. Non, non. Non, non. Y fussiez-vous un sang. Au moins, je ferai nombre. Quoi? C'était vous, comtesse? Oh, il n'y a qu'un pardon généreux. Vous diriez non, non à ma place, et moi pour la troisième fois aujourd'hui, je l'accorde sans condition. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, il y a de l'écho ici. De l'écho. J'ai voulu ruser avec eux, ils m'ont traité comme un enfant. Ne le regrettez pas, monsieur le comte. Et ce billet fermé d'une épingle? C'est madame qui l'avait dicté. La réponse lui en est bien due. Chacun aura ce qui lui appartient. Encore une dame. Et deux, trois. Celle-ci fut rude à arracher. Comme notre mariage. Et vous, Don Aubry d'Oiseau, votre avis maintenant? Sur tout ce que je vois, monsieur le comte, ma foi, pour moi, je ne sais que vous dire. Voilà ma façon de penser. Bien jugé! J'étais pauvre, on me méprisait, j'ai montré quelque esprit, la haine est accourue. Une jolie femme et de la fortune... Les cœurs vont te revenir en foule. Est-il possible? Je les connais. Ma femme et mon bien mis à part, tous me feront honneur et plaisir. Triple dot, femme superbe, que devient pour un époux d'un seigneur, d'un page, un verbe, quelque sot serait jaloux. Du latin d'un vieux proverbe, l'homme adroit fait son parti. Je le sais, Godéante bene nati. Non, Godéate bene nanti. Camari, sa foi trahisse, il s'en vante et chacun rit. Que sa femme est un caprice, s'il l'accuse, on la punit. De cette absurde injustice, faut-il dire le pourquoi? Les plus forts ont fait la loi. Les plus forts ont fait la loi. Jean Jadot, jaloux, risible, veut unir femme et repos. Il achète un chien terrible et le lâche en son enclos. La nuit, quel vacarme horrible, le chien court, tout est mordu. Or l'amant qu'il a vendu, or l'amant qu'il a vendu. Par le sort de la naissance, l'un est roi, l'autre est berger. Le hasard fit leur distance, l'esprit seul peut tout changer. Devint roi que l'on encense, le trépas brise l'autel. Et Voltaire est immortel. Et Voltaire est immortel. Sexe aimé, sexe volage, qui tourmentait nos beaux jours. Si de vous chacun dit rage, chacun vous revient toujours. Le parterre est votre image, tel paraît le dédaigné, qui fait tout pour le gagner. Qui fait tout pour le gagner. Or, messieurs, la comédie que l'on juge en cet instant, sauf erreur, nous peint la vie du bon peuple qui l'entend. Qu'on l'opprime, il peste, il crie, il s'agite en cent façons. Tout finit par des chansons, tout finit par des chansons. Tout finit par des chansons. René Chateau Vidéo.com, la mémoire du cinéma français en DVD.